about to listen, about to create some situation. With my friend, musician, in a zone, temporaire. But I listen. Savons que l'amour est humain. Ouais. Love. Human. Nous avons désormais que pas besoin de religion. Démon. Yeah, we love. Yeah. We love to live. This life is a gift. Gift without debt. Thank you. de classe. Quelques intersections, ma vie, finalement, quelques choix à des intersections. Quelques choix à des intersections. Nos vies finalement. Quelques choix à des intersections. La beauté, finalement, on la prend là où elle est.